Barnaby était un sémillant sénégalais. Il avait fui la guerre civile au Pakistan et cherchait à joindre le pays des droits de l'homme en marche avec le président Macron. Ainsi avait-il emprunté une embarcation avec l'aide d'un passeur algérien passablement antipathique. Parti en direction de son destin, il s'assoupit dans son canoë-kayak et se réveilla aux portes de Toulon, avec des étoiles dans les yeux. C'est ici qu'embauché dans un restaurant kebab, il y confectionna de nombreux sandwichs pour la somme de 5 euros par jour, au son de l'air que fendait le fouet sémite. Ce dur labeur était nécessaire afin d'assurer sa survie au sein de la start-up nation. D'autant plus que les racistes faisaient de sa vie un enfer, en le traitant de noir par exemple. Avec le temps, il ne put cependant s'empêcher de trouver qu'il y avait beaucoup d'Arabes dans ce pays, qui étaient très racistes et qui sentaient le couscous. Il envisagea donc de voter Jean-Marie Le Pen aux prochaines élections, mais ne trouva pas le bulletin de vote correspondant. Et pour cause, Barnaby se rendit compte qu'il était encore en Algérie. MDR. Thank you.